Un cavalier devait une somme d'argent à son maréchal ferrant, mais il mourut avant de l'avoir payé. Quelques jours après, il apparut à son serviteur, tenant dans ses mains des fers à cheval brûlant. « Vois comme je souffre pour ne pas avoir acquitté une dette, » dit-il. « Dis à ma femme de payer ce que je dois au maréchal ferrant, si elle souhaite que je ne sois plus tourmenté. » Le serviteur en avertit sa maîtresse. Elle partit avec son fils, trouver le maréchal ferrant, et demanda le montant dû de son défunt mari, qui était d'environ marques d'argent, ou de 145 grammes, qu'elle paya aussitôt. Vers le soir, elle vit son mari sorti des peines. Il avait terminé son expiation.